إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et nous demandons son pardon. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adorée sauf Allah, seul sans rien lui associer. Et j'atteste que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô être humain, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns et les autres, et craignez de rompre les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Après avoir dit ceci, certes, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure des guidées est la guidée de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouveautés en religion. Toute nouveauté en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Après avoir fait ce sermon, qui est celui que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, faisait à ses compagnons quand il s'adressait à eux, nous allons lire et traduire, Inch'Allah, une épître du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, dont le titre est « Limadha al-Tawhid awwalan » « Pourquoi le Tawhid en premier ?» Fayaqul le Cheikh, rahimahullah ta'ala, « Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd » فقد طلب مني متصل عبر الهاتف كلمة بعنوان لماذا كان التوحيد أولا. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit, après avoir loué Allah et prié sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses proches et ses compagnons, qu'une personne l'a contacté par téléphone pour lui demander une intervention sur le thème pourquoi le tawhid, l'unification d'Allah, en premier. وهذا يدل على أن المتصل عرف أن التوحيد هو أصل العقيدة الإسلامية وأساسها وشرط صحتها وقبولها. Le cheikh dit, et cela montre que cette personne qui m'a contacté sait que le tawhid est la base de la croyance islamique et son fondement et la condition de sa validité et de son acceptation. وقد اقترح هذا الاقتراح ليفهم من لم يفهم أن هذه منزلة التوحيد في الدين الإسلامي. Et il a fait cette suggestion pour que comprenne celui qui ne l'a pas encore compris la place du tawhid, de l'unification d'Allah, dans la religion islamique, dans l'islam. ذلك بأن توحيد الألوهية هو الذي أمرت به الرسل جميعا من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Et ceci, car l'unicité, l'unification d'Allah dans l'adoration, c'est ce à quoi ont appelé tous les messagers, du premier d'entre eux, Nuh, Noé, alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah dit, dans la traduction approximative du sens des versets, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Dans sourate An-Nahl, le verset 36. Wa qala subhanahu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah dit, dans la traduction approximative du sens des versets, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَّا هُوَ هُوَ يَقُولُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Il n'y a pas un prophète qui a été envoyé à son peuple sans qu'il ne lui dise « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité autre que lui. » Dans Surat Al-A'raf, verset 59. ولما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الى قومه مكث عشر سنوات لا يدعو الى شيء غير التوحيد. Et quand Allah a envoyé notre prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم à son peuple, il a passé 10 ans en appelant à rien d'autre qu'au tawhid, qu'à l'unification d'Allah عز وجل. ثم بعد العشر شرعت الصلاة وبقي ثلاث سنوات بمكة ثم هاجر إلى المدينة. Et après ces 10 années seulement, a été légiférée la prière et il est resté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 3 ans ensuite à Mecca, puis il a émigré à Médine. وفي السنة الثانية من الهجرة شرعت الزكاة والصوم. Et la deuxième année après l'hijr a été légiférée l'aumône légale ainsi que le jeûne. لذلك فإن التوحيد هو أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها يبنى. Ainsi le tawhid est la base de la religion et son fondement et sa règle principale sur laquelle est construit le reste. ولذلك فإن من أفسد التوحيد بأن دعا مع الله إلها آخر فقد أفسد الدين كله وخرج من الإسلام. Et c'est pour ceci que celui qui a corrompu le tawhid par le fait qu'il a invoqué une autre divinité qu'Allah, alors il a corrompu sa religion en entier et il est sorti de l'islam. Et il est devenu quelqu'un qui a apostasié et qui a invalidé toute son œuvre. Qala ta'ala وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit dans la traduction du sens des versets, nous t'avons révélé et à ceux qui étaient avant toi que si tu associes, alors ton œuvre sera vaine et ne sois pas parmi les perdants. وقال عيسى عليه الصلاة والسلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et dans le Coran, Isa a dit: Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Certes, celui qui associe Allah, alors le paradis lui a été rendu illicite. Et sa demeure finale est l'enfer. Et il n'y aura pas pour les injustes de secoureurs. Avant de continuer dans la traduction de cette épître, on peut s'arrêter d'abord un instant sur certains points importants qu'a cité le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde. D'abord, la raison pour laquelle le Cheikh a fait cette intervention, qui est la demande d'une personne qui connaissait l'importance du tawhid, mais qui a voulu le faire entendre à d'autres. Et cela est une méthode qui est bonne et qui est de faire entendre à d'autres ce que l'on sait déjà en interrogeant un savant, une personne qui a la science. Et on retrouve cela par exemple dans le hadith de Jibril alayhi salam, quand il est venu devant le prophète sallallahu alayhi salam et ses compagnons et qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi salam devant les compagnons radiallahu anhum concernant l'islam ou l'iman ou l'ihsan ainsi que l'heure dernière et les signes. pour qu'ils entendent les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était Jibril alayhi sallam qui est venu pour vous apprendre votre religion. Donc Jibril alayhi sallam, lui, connaissait les réponses à ces questions, mais il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les compagnons pour qu'eux entendent ses réponses et apprennent les grandes bases de la religion qui sont contenues dans ce hadith Jibril alayhi sallam. Ensuite, le shaykh rahimahullah a commencé à évoquer l'importance du tawhid en montrant que l'ensemble des messagers alayhi sallam sont venus pour appeler à ce fondement et que tous ont appelé leur peuple donc à adorer Allah seul sans rien lui associer et à s'écarter du tarout qui, pour simplifier, est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et on aura l'occasion d'en parler plus en détail inshallah. Donc tous les messagers ont eu cet appel commun, l'appel tawhid, et donc par exemple Isa alayhi salam qui a été cité et qui a appelé, comme Allah l'a dit dans le Coran, qui a appelé les enfants d'Israël à adorer Allah seul sans rien lui associer, et a dit que ceux qui n'appliquaient pas, qui n'avaient pas cette base qui est le tawhid, alors le paradis leur était interdit et leur demeure, leur destination était l'enfer. Puis le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a expliqué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu 23 années après qu'il ait reçu la révélation, a d'abord passé 10 ans à la Mecque seulement en se consacrant à l'appel au tawhid. Et donc cela montre l'immense importance du tawhid et qu'il est prioritaire, c'est-à-dire l'appel au tawhid, à tout autre appel. Puis au bout de 10 ans passé à la Mecque, a appelé au tawhid, a purifié la croyance de toute forme d'association, la prière a été légiférée. Donc au bout de 10 ans, la prière a été légiférée, donc les 10 premières années consacrées au tawhid. Et au bout de 13 années passées à la Mecque, donc 10 ans d'appel au tawhid uniquement, et ensuite 3 ans en continuant bien sûr en appelant au tawhid, mais où la prière a été légiférée, au bout de ces 13 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hijr, donc l'émigration à Médine. Et c'est ensuite seulement à Médine qu'ont été légiférées la zakat, le jeûne et les autres obligations et interdits. Ensuite, le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a évoqué le danger de ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk, car celui-ci annule les œuvres et invalide l'islam et fait sortir la personne de l'islam. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد حوت هذا الأصل العظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهي تتكون من جزئين لا إله إلا الله الجزء الأول نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل في قوله أشهد أن لا إله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله والجزء الثاني في قوله إلا الله إثبات الألوهية لله وحده دون سواه لأنه هو الذي خلق هذا الكون قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين والآيات بعدها Et cette base immense est dans l'attestation لا إله إلا الله et Mohammed est le messager d'Allah. Et cette attestation, la ilaha illallah, est composée de deux parties. La première partie, la négation de l'adoration à tout autre qu'Allah. Dans la parole, ashhadu an la ilaha, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qui soit digne d'être adoré avec droit parmi ceux qui existent, sauf Allah azza wa jalla. Et la deuxième partie, c'est-à-dire illallah, ça confirme l'adoration à Allah seul, sans rien lui associer. Car il est celui qui a créé toute la création. Et le shir a ensuite cité la parole d'Allah comme preuve, dit « Est-ce que vous m'écroirez en celui qui a créé la terre en deux jours et vous lui donnez des associés ? Il est le Seigneur des mondes. » Ainsi que les versets qui suivent. « Wa qala ta'ala » الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو، فدعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. Puis le Cheikh, rahimahullah, a cité les versets dans lesquels Allah dit, dans la traduction du sens approximatif, « C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable, et le ciel comme toi, et vous a donné votre forme. Et quelle belle forme il vous a donnée. Et il vous a nourri de bonnes choses. Tel est Allah, votre Seigneur. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant, point de divinité à part lui. Appelez-le donc, en lui vouant un culte exclusif. » Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Dis, il m'a été interdit, une fois que les preuves me sont venues de mon Seigneur, d'adorer ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre au Seigneur de l'univers. Dans la sourate Ghafir, les versets 64 à 66. وقال الشيخ رحمه الله تعالى والآيات في الاستدلال على التوحيد الألوهية كثيرة. فمن نطق بهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد حاز الفوز ونجا من الخسران. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit ensuite que les versets qui sont une preuve de l'unification d'Allah dans l'adoration sont très nombreux, et que celui qui a prononcé cette attestation, l'attestation « La ilaha illallah » il n'y a de divinité en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, alors il a atteint la victoire et il s'est préservé de la grande perdition. Allah dit par le temps qui passe, l'homme est certes en perdition sauf ceux qui croient, qui accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Wa qala ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Allah dit dans la traduction approximative du sens du verset 82 de sourate Al-An'am, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par de l'injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et le sens de l'injustice dans ce verset, c'est le shirk, l'associationnisme, le fait d'aller à l'encontre du tawhid, de l'unicité dans l'adoration d'Allah. فَمَنْ قَالَهَا مُعْتَقِدًا مَعْنَاهَا عَامِلًا بِمُقْتَدَاهَا فَقَدْ حَازَ السَّعَادَةَ فِي الدَّارَيْنِ فَهِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي أَرْسَلَ اللَّهُ بِهَا رُسُلَهُ وَأَنزَلَ بِهَا كُتُبَهُ وَمِنْ أَجْلِهَا خُلِقَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ والجنة والنار وفي شأنها تكون السعادة والشقاوة فقائلها ومعتقدها يعطي كتابه بيمينه ويثقل ميزان حسناته ويمر على الصراط ويدخل الجنة وينجو من النار وعنها يكون السؤال. قال تعالى ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Ensuite le Cheikh Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit donc celui qui a dit, c'est-à-dire cette attestation de foi, en croyant en son sens, en agissant selon ce qu'elle implique, alors il a atteint, il a obtenu la félicité, la joie dans les deux demeures, c'est-à-dire la demeure de la vie d'ici-bas et la demeure de la vie dernière, car il est la parole pour laquelle Allah a envoyé les messagers et pour laquelle il a fait descendre les livres, et c'est pour cette parole-là, La ilaha illallah, qui a été créé le bas monde ainsi que la vie dernière, et le paradis et l'enfer, et que c'est à propos d'elle que se fait soit la joie, c'est-à-dire ceux qui vont être au paradis, soit la tristesse, ceux qui vont être en enfer. Et celui qui dit cette parole et qui la croit, alors on lui donnera son livre dans sa main droite, et la balance de ses bonnes œuvres sera lourde, et il traversera le sirat, le pont qui est au-dessus de l'enfer, et il rentrera au paradis. Et il sera sauvé de l'enfer. Et c'est concernant cette attestation que nous serons interrogés. Allah a dit, dans la traduction approximative du sens du verset 6 de Sourate Al-A'raf, Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Et Allah dit, dans la traduction approximative du sens des versets 65 à 67 de Sourate Al-Qasas, et le jour où il les appellera et qu'il leur dira, que répondiez-vous aux messagers? Ce jour-là, les arguments deviendront obscurs et ils ne se poseront point de questions. Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait le bien, il se peut qu'il soit parmi ceux qui réussissent. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول وهي أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده أن هداهم إليه ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم قبل كل نعمة فقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Ensuite, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, va citer une parole de son cheikh, qui est Hafiz al-Hakami, le savant très connu, qui a dit dans son ouvrage « Ma'arij al-Qabul » « C'est le plus grand bienfait qu'Allah a donné à ses serviteurs, qu'il les a guidés vers le tawhid. » Et c'est pour cela qu'Allah l'a cité dans Sourate al-Nahl, qui est la sourate qui parle des bienfaits. Et il l'a cité en tout premier, le premier des bienfaits. Allah a dit, dans la traduction approximative du sens du verset 2 de Sourate al-Nahl, il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur qui il veut parmi ses serviteurs. Avertissez qu'il n'est d'autre divinité que moi, craignez-moi donc. وَهِيَ كَلِمَةُ الشَّهَادَ وَمِفْتَاحُ الدَّارِ السَّعَادَ وَهِيَ أَصُ الدِّينِ وَأَسَاسُهُ وَرَسُ أَمْرِهِ وَسَاءُ شَجَرَتِهِ وَعُمُودُ فُسْطَاتِهِ وَبَقِيَّةُ أَرْكَانِ الدِّينِ وَفَرَائِدِهِ مُتَفَرِّعَةٌ عَنْهَا مُتَشَعِّبَةٌ مِنْهَا وَمُكَمَّلَاتُ لَهَا وَمُقَيِّدَةٌ بِالْإِلْتِزَامِ بِمَعْنَاهَا وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهَا فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Ensuite, le cheikh dit que cette parole, c'est la parole de l'attestation et c'est la clé pour entrer dans la demeure de félicité, c'est-à-dire le paradis. Et c'est la base de cette religion et son fondement. Et c'est la tête de cette chose, c'est-à-dire l'islam. Et c'est comme le tronc de l'arbre. Et c'est le pilier qui fait tenir la tente. Et l'ensemble des autres piliers de la religion et des obligations lui sont subordonnés et en sont des branches et viennent la compléter. Et ils sont limités au fait de suivre son sens, c'est-à-dire le sens de cette attestation, et d'agir selon ses implications. Et elle est l'anse la plus solide. Allah dit dans la traduction approximative du verset 256 de Sourate Al-Baqarah, donc, quiconque mécroit au Tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. وَهِيَ الْعَهْدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير العهد هو الشهادة أن لا إله إلا الله et elle est l'engagement dont Allah a parlé dans sa parole dans la traduction approximative du sens du verset 87 de Sourate Maryam. Ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, a dit concernant l'explication de l'engagement Al-Ahd, c'est l'attestation qu'il n'y a pas de divinité qui est en droit d'être adorée sauf Allah. Et le désaveu de chercher la force et la puissance, si ce n'est par Allah. وَيَا الْحُسْنَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Et elle est Al-Husna, dans la parole où Allah dit, dans la traduction approximative du sens des versets 5 à 7 de Surat Al-Layl, celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, c'est-à-dire Al-Husna, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. وهي كلمة الحق التي ذكرها الله عز وجل في قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Et elle est la parole de vérité qu'Allah a rappelée dans sa parole, dans la traduction approximative du verset 86 de Surat Zukhruf. Et ceux qui invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Donc la vérité ici, يعني الحق, eh bien c'est l'attestation لا إله إلا الله. وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله عز وجل في قوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. Elle est également la parole de piété qu'Allah a citée dans sa parole, dans la traduction approximative du sens du verset 26 de Surat Al-Fath. Et il les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Et cette parole de piété, c'est l'attestation La ilaha illallah. Fin de la parole que le shir a citée du shir Hafid al-Hakami. ثم يقول الشيخ ومن هنا نعلم لماذا كان التوحيد هو الأول في الالتزام وهو الأول في الدعوة وهو أصل الدين وأساسه وقاعدته فإسلام بلا التوحيد بِنَاءٌ بِلَا قَاعِدَةٌ. Et le shir dit, et à partir de cela, on sait que le tawhid est la première chose à laquelle on doit s'accrocher, et la première chose à laquelle on doit appeler, et quelle est la base de la religion et son fondement, et quelle est la fondation de l'islam. Et qu'un islam sans tawhid, alors c'est une construction sans fondation. وَنَعْلَمُ أَيْضًا ضَلَالَ مَنْ يَدْعُونَ إِلَى خِلَافَةٍ ويزعمون أنهم يدعون إلى إعادة الخلافة الضائعة فنقول إن الله أمرنا بالتوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل وسيسألنا الله ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ويا خسارة من أفنى عمره في الدعوة إلى خلافة ويا خسارة من أجابه وتابعه على هذا الباطل. Et le shir dit, et nous savons donc également l'égarement de ceux qui appellent au califat et ils prétendent qu'ils veulent ramener le califat qui est perdu. Et nous leur disons, Allah nous a ordonné de l'unifier dans l'adoration. Il nous a ordonné ce tawhid auquel ont appelé l'ensemble des messagers. Et Allah va nous interroger, qu'est-ce que vous adoriez et qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers. Et quelle grande perte que celui qui aura passé son temps à appeler au califat, et quelle grande perte que celui qui aura répondu à cet appel et l'aura suivi dans cette chose fausse. Et dans cette deuxième partie, le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous a expliqué que ce tawhid, le fait d'unifier Allah dans notre adoration, se retrouvait parfaitement dans l'attestation de foi La ilaha illallah. Cette attestation comprend en effet deux parties, deux piliers. La ilaha, qui est la négation du droit à l'adoration à tout ce qui est autre qu'Allah. Et le deuxième pilier, illallah, qui est l'affirmation de l'adoration à Allah seul. Ensuite, le shir a expliqué que celui qui prononce cette attestation, en comprenant son sens, en y croyant fermement et en appliquant ce qu'elle implique, alors il est certes parmi les gagnants dans cette vie et dans l'autre. Puis le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a cité ensuite différents versets dans lesquels Allah a parlé de cette attestation sous différents termes qui montrent tous la grandeur et l'importance de l'attestation La ilaha illallah. Elle a ainsi été évoquée sous plusieurs noms dans le Coran, comme on l'a cité dans les versets précédents. Elle est kalimat al-tawhid, la parole d'unification. Elle est al-urwatul wuthqa, l'anse la plus solide. Elle est également Al-Ahd, l'engagement. Al-Husna, la bonne chose. Kalimatul Haqq, la parole de vérité. Kalimatul Taqwa, la parole de piété. Et tous ces noms reviennent à l'attestation La ilaha illallah, l'attestation du tawhid. Et le shir, après nous avoir expliqué tout cela, a donné deux conclusions. D'abord, la première de ces deux conclusions est que tous ces arguments, c'est-à-dire, d'abord le premier, que le tawhid est l'appel commun de tous les messagers. Ensuite, deuxièmement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a consacré son prêche, et spécialement les 10 premières années à la Mecque, pendant lesquelles les autres piliers n'étaient pas encore prescrits, et pendant lesquelles il appelait les gens à la croyance pure. Troisièmement, que celui qui tombe dans le shirk, le fait de donner une adoration parmi les adorations à autre qu'Allah, c'est-à-dire ce qui s'oppose au tawhid, alors il sort de l'islam. Et le shirk parle ici du grand associationnisme, al-shirk al-akbar. Et quatrièmement, le fait que l'attestation de foi par laquelle on rentre dans l'islam, elle est l'attestation de l'unification d'Allah dans l'adoration. Cinquièmement, les innombrables versets qui évoquent l'attestation de foi sous différents noms que nous avons cités. Et tout cela prouve ainsi l'importance et la priorité du tawhid sur toute chose, et que le tawhid vient en premier dans notre attachement à la religion et dans notre apprentissage. Ceci était la première conclusion qu'a donnée le shaykh. Et la deuxième conclusion du shaykh, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'étant donné que l'unification de notre adoration à Allah, le tawhid, est le fondement et la priorité de notre religion, de l'islam, il est faux, mais également grave et perdu d'avance de donner la priorité à autre chose, comme ce qu'a cité le shaykh comme les objectifs politiques, ceux qui appellent à rétablir le califat et qui donnent cela comme priorité. Plutôt, on doit se tourner vers la priorité et vers ce sur quoi on sera interrogé le jour du jugement dernier. Et si l'on veut la victoire, il faut revenir à cette base et lui donner son importance, comme Allah l'a dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dans la traduction du sens du verset, dans Surat Ra'd, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. ثم يقول الشيخ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ensuite, le shir, qu'Allah lui fasse miséricorde, termine en disant et que les éloges et la paix soient sur notre prophète Muhammad ainsi que ses proches et ses compagnons. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.